Et pour vous, en exclusivité mondiale sur la radio des bons cons, le premier Oups de Loyo. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et c'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Mais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton cœur au vent de la nuit et ferme les yeux. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile. J'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant sous le vent. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile, j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile et je l'ai suivi un instant. Alors, elle est pas belle la vie? Oh, que si elle est belle. Joyeux anniversaire, Typhon.